Ouais gros, Picsou présente Urban Lyrics. Donne Léon gros, ça vient du 9-3. Big up Blancoc, Tiel, Tiekar, Arcueil, mes acolytes, Escalins, Distil, F2R, Manana Satire, on est Al. Wouh! Toujours les mêmes promesses, faire du rap des prouesses pour faire durer le plaisir sans prothèse. Comme quand je prenais peste d'une miss, les tue selon mon désir, les chacun son vice. Les prostèses, les prostates pour me test. Quand j'y pense, baisse leur prostate. Ainsi que les pestes qui s'excitent trop sur mes textes. Star, stop, on n'est pas au steak. Ici vite, les rappeurs détestent, les go trip se vexent. Mais mec, chacun sa vibe, c'est chacun son trip. Derrière rien que sa critique pour enfoncer, de faire des sphères dépasser, défoncer par la masse de ronces que sont les MC indécis sur les belles décis qui parlent de leur belle décis, affichant leur trip. Se faisant trac au moindre truc, alors que d'autres craquent et salissent comme des tasses les salissent. Voilà ce que la jalousie ça attise. Voilà ce que la jalousie ça attise. Par amour du fric, par amour du disque, par amour de la zik, toujours là pour le grand public et les MC. Faites pas chicher, pas de vie sans souci. Je vous rends mon sushi pour vous, ça sent le roussi. Par amour du fric, par amour du disque, par amour de la zik, toujours là pour le grand public et les MC. Faites pas chicher, pas de vie sans souci. Je vous rends mon sushi pour vous, ça sent le roussi. Je lâcherai jamais le beat devenu une passe. Comme une meuf qui me lèchera la bite jusqu'à jouissance du succès. Bref, passons, ce ne sont que des images employées avec mauvais usage. Déployer les choses que j'envisage, ce serait trop vantard. Et déplairait, profitera vraiment trop de bâtards. Vu que le rap n'est que compétition, moi et ma clique faudra qu'on pète des fions. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, celui de mon crew. Malsain et assassin, pas encore sous écrou. Qui avance en cadence sur des beats fous. J'irai après jusqu'à ce que mon cœur saigne de sa dernière goutte. Tel un taureau dans l'arène, dont sa mort dégoûte. Mon style c'est du hardcore, j'te dors, j't'endors encore deux fois plus fort MC jusqu'à ce que tu sois mort. En mode misogyne, biatch, j'te brise d'anus en pouce au nord pour que ça perfore. Par amour du fric, par amour du disque, par amour d'Azik, toujours là pour le grand public et les MC. Faites pas chichi, pas de vie sans souci, j'vous rends compte sushi pour vous, ça sent le roussi. Par amour du fric, par amour du disque, par amour d'Azik, toujours là pour le grand public et les MC. Faites pas chichi, pas de vie sans souci, j'vous rends compte sushi pour vous, ça sent le roussi. Pareil que c'est la guerre dans le rap, mon son le poil dans les têtes. La guerre est dans vos têtes, je ne crois guère en vos textes. Je n'adhère qu'à la réalité des states, là où ça se pète en tête à tête. Pas que des grandes gueules, ici que des grands gueux. Consommant des drogues, idoles des jeunes comme des grands dieux. Mais en fait que dalle, que des merdes. Classe et basse, classe sociale, clashé par un cas social. Où est la fierté après ça, ça joue les ouf à part ça. Bref, donne Léon qui pose pour la tête, pure bonne lyrics. Tape toujours la pose, tel un acteur X. Flow divertissant comme Astérix. Sache que si tu veux un clash, c'est à tes risques. Sans astérisque, sans condition. Ce son c'est ton meurtre et sa pièce à conviction. Je représente 93-150 d'hydro-rulière. Là où ça casse des descentes, où les ennemis finissent avec une carrière de gruyère. Ici le vice n'est pas né d'hier. Bref M6, si tu veux je t'y invite. Mais sache que t'es sûr de repartir en kit. En moins de 2-2 c'est ton enterrement. Mate la fin de l'enchaînement. Par amour du fric, par amour du disque, par amour de la zik, toujours là pour le grand public et les MC. Faites pas chichi, pas de vie sans souci, j'vous rends compte sushi pour vous, ça sent le roussi. Par amour du fric, par amour du disque, par amour de la zik, toujours là pour le grand public et les MC. Faites pas chichi, pas de vie sans souci, j'vous rends compte sushi pour vous, ça sent le roussi. Big up Blancoc, quartier à Bénior, Rulière, Diderot et tous les quartiers qui coûtent la Césaire. 9-3 qui pose pour le 9-4, Picsou, Pio, Io.